seulement, même si pourtant, même si vraiment, tu ne devais jamais l'entendre. Même si ma cause est sans espoir, aveuglément, je continue à la défendre. J'irai jusqu'au bout du monde pour seulement revoir ton ombre. Écoute ma chanson et chante ma chanson. Écoute-la, je n'ai plus que ça. Écoute ma chanson et par cette chanson, un jour tu comprendras cet amour qui est en moi pour toujours. Elle parlera, elle te dira, elle t'apprendra que les paroles ont des frontières. Je ne sais pas me défendre, mais si tu voulais m'entendre, écoute ma chanson et chante ma chanson. Écoute-la, je n'ai plus que ça. Na na na na na na, écoute ma chanson. Na na na na na, et chante ma chanson. Elle te parle de moi, cette chanson. Écoute-la, je n'ai plus que ça.